croyait en nous. La famille, moralité, très peu sont fiables. On croyait en nous. La famille, lâché cogité, pété à la ria. On croyait en nous. La famille, moralité, très peu sont fiables. On est chroniqué, proliqué. Cogne, tu vas danser la zumba. Je peux pas m'arrêter, c'est mérité. T'as pas idée, j'ai la dalle à Pumba. C'est vrai que c'est la merde, mais faut tenir le combat. Pour mes soeurs qui ont des valeurs, mais ça brille à mes combats. Les frères qui gardent la tête et qui encaissent les coups bas. Les bateaux rebeurs noirs qui font pas les gros bras. Terre, y'a des aides, y'a rien pour toi, wesh, Kaaba, dégage. J'aimerais avoir des aides, les petits veulent avoir des arts. Moi je croyais en nous, la famille, là j'ai cogité, pété à la ria. Moi je croyais en nous, la famille, moralité. De son fillard, on est chroniqué, Cogno, tu vas danser la zumba, je peux pas m'arrêter, c'est mérité. T'as pas été, j'ai là dans la bomba. Dans les bombas, les bons thèmes, là les contacts, l'oseille. Même la nuit, je trouve tes conseils, Béda, buvette. Je vais ta garoche, j'en vais faire du casino. T'as plus la Rolex, t'as oublié la Casio. Ouais, la mif, papa, ça l'occasion. Toujours actif. Ou au fond du barrio. On avance, t'as la haine. Tu déranges, toi tu fais des gants. Boîte séquentielle. On rentre au Bercan. En vrai je m'en bats les couilles. J'en plus les couilles. Moi je croyais en nous, la famille. Là j'ai cogité, pété à la ria. Moi je croyais en nous, la famille, moralité. Cogne, tu vas danser la zumba, je peux pas m'arrêter, c'est mérité. T'as pas été, j'ai là dans la pumba. Roliqué, cogne, tu vas danser la zumba, c'est mérité. T'as pas été, j'ai là dans la pumba. Roliqué, cogne, tu vas danser la zumba, c'est mérité. T'as pas été, j'ai là dans la pumba. Roliqué, cogne, tu vas danser la zumba. Tu vas danser la zumba.